juste fais là. Qu'est-ce que je fais là, cliché peur à. Le must est là, y'a pas photo même si t'as ton beau là. Le contenu est simple, soutenu par un sample. Sampleur sans reproche, avec mes proches prendre l'ampleur. Les chevaliers braillards font dans la rime gaillard. Nos lyrics, nous les pensons comme des chansons braillards. J'ai mis de côté les faces défoncées. Tout est trié pour un son d'enfoiré, j'passe en soirée. Y'a pas que la basse qui passera pour les passera, celle qui lassera. Y'a pas que du peur à pour l'underground sombrero au Kaira. Format single, fini le contenu cinglé. Tous ces jingles, swingles, pire que de la jungle. Juste une bonne basse qui fasse frémousser la masse. Relève ton bus, ta blitz, swingles à la masse. Il suffira d'en terminer sur un frein chanté. Emballer, c'est peser, circuler, envoie la monnaie. Juste fais-les, ça fait de l'effet. La note juste est là, donc juste fais-la. Tiens toujours les promesses qu'il fait à une femme, comme Cho Young-Fat dans The Killer. Quand je suis sous folie, appelle-moi Akai. Man qui moque sur 16 pistes maquis. Maquille mes lyrics comme un délit. D'initié façon hip-hop, reste en travers de ta gorge comme un roll-mop. Juste fais là toutes les manières nécessaires. Quand t'as une envie qui travaille les viscères, juste fais là. L'ignoble du vignoble, Gérard Bon. Jamais hypocrite, j'en fais le serment du picrate. Prends un Prozac, Kizako, tu danses comme un Kozak. Sheila, wap comme Doc, juste mets là. Gouache, c'est chouette, fais-toi des couettes comme Sheila. Le tumulte me catapulte vers l'âge adulte. Dans 20 ans, on parlera de ma jeunesse comme d'un film culte. Pourquoi tu t'empères alors ton grand-père pète les ampères sur mon trip, donc comme naguère. Juste fais l'amour, pas la guerre. J'suis fondu, pas d'adson qui d'abrique offendu. J'croque le fruit défendu, j'ai la langue bien pendue, pas vendue. Pas besoin de contrat stipulant. J'sais pas quoi pour que nos shows soient toujours plus stimulants. Extériorise-toi, regarde-toi dans la glace et prononce trois fois. Juste fais la, fais le tri, mais de leur prime et imprime que j'vais te primer. Si tu te laisses déprimer, c'est pour t'exprimer. T'as besoin de pisser par terre, d'écrire des trucs malsains sur les murs des water. D'y laisser une virgule, deux de mer façon Malek Air. Juste fais la. Juste fais la, baby. Juste fais-la.